Section 14 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 4. La France et la maison de Bourgogne. 1453-1493. Première partie, Charles VII et la seconde féodalité, par Léon Spingade. Entre la guerre de Cent Ans et les guerres d'Italie, pendant les dernières années de Charles VII, 1422-1461, sous Louis XI, 1461-1483, pendant les premières années de Charles VIII, 1483-1498, une œuvre de restauration nationale, administrative, économique, s'accomplit en France. Le roi, délivré des Anglais, rétablit son prestige en Europe, lutte avec succès contre les maisons vassales issues de la sienne, principalement contre la maison de Bourgogne. Puis il remet son État en bonne police, paix et justice, de façon à rendre solidaire l'un de l'autre, le sentiment national et le sentiment monarchique, et a transformé peu à peu la royauté féodale en royauté absolue. Relations avec l'Allemagne. Charles VII, roi médiocre si l'on pense à son caractère plutôt qu'à son règne, a été appelé le victorieux et le bien servi. Le premier de ses surnoms lui fait la part trop belle dans l'œuvre de la délivrance. Il s'appliquerait mieux à Richemont ou à Jeanne d'Arc. Le second, au contraire, paraît reporter trop exclusivement à ses conseillers l'honneur des grandes réformes accomplies sous son autorité. On a accusé avec raison l'inconstance et de ses sentiments et de ses volontés, le scandale de ses mœurs, surtout dans sa vieillesse, sa facilité à donner les faveurs et les emplois, son ingratitude envers ses meilleurs serviteurs. Il n'en fut pas moins, et au moment opportun, un prince attentif à ses devoirs, piteux de sang humain, empressé à rétablir l'ordre et la paix dans ses États, à rendre à la France en Europe le rang et le rôle que la guerre de Cent Ans lui avait fait perdre. Avant même d'avoir complètement reconquis son royaume, le roi de Bourges s'appliqua à redevenir vraiment le roi de France, non seulement en deçà, mais au-delà des frontières. Il édifia pièce à pièce un vaste système d'alliances, dirigé contre l'ennemi encore en armes, le roi d'Angleterre, et éventuellement contre l'ennemi menaçant du lendemain, le duc de Bourgogne. Il se tourna d'abord vers ses marches de l'Est, d'où le salut lui était venu dans la personne d'une bonne Lorraine. Peut-être se souvenait-il du Rhin, ancienne limite des Gaules, et, en vue de conquêtes futures, il lui convenait de rétablir et d'étendre de ce côté son influence. En 1444, l'empereur Frédéric III ayant invoqué son intervention armée contre les Ligues suisses, lui envoya 30 000 hommes conduits par le dauphin Louis. En occupant ainsi les gens de guerre dont il avait encore besoin contre les Anglais, il voulait, pendant une période de trêve, ôter le mauvais sang du royaume. Les Suisses offrirent la bataille à Saint-Jacques, près de la ville de Bâle, leur allié. Ils furent vaincus, mais se défendirent si bien que le dauphin ne se soucia pas de poursuivre plus loin ses avantages. Quelques semaines après, il signait avec les cantons, à Ensisheim, Alsace, un traité de bonne intelligence et ferme amitié. De là, les routiers et écorcheurs qui composaient l'armée victorieuse se répandirent le long de la rive gauche du Rhin et commirent de grands désordres sous prétexte d'aider les seigneurs en lutte contre les villes. Ils parvinrent ainsi jusqu'aux portes de Strasbourg. Charles VII se montrait au même moment en Lorraine, où l'Empire exerçait encore une suzeraineté nominale et où aucun souverain français n'avait paru depuis Philippe le Bel. Son beau-frère, le duc René, eût voulu mettre sous sa dépendance les cités épiscopales de Metz, Toul et Verdun, enclavées dans ses États. Il invoqua contre elles, comme médiateur armé, le roi de France. Charles VII mit garnison à titre de protecteur à Verdun et à Toul. Il reçut l'hommage d'Épinal, ville jusqu'alors dépendante de Metz. Quant aux Messins, ils lui refusèrent obstinément l'accès de leurs murailles. Ils voulaient bien être alliés du roi, mais il leur répugnait d'accepter une garde trop facile à changer en domination. En Lorraine, comme en Alsace, Charles VII estima prudent, devant les réclamations des Allemands, de borner son action militaire. En revanche, il tint à Nancy une cour pompeuse, y reçut des ambassadeurs venus de toutes les parties de l'Europe, y présida au mariage de sa nièce Marguerite d'Anjou avec le roi d'Angleterre. De plus, il négocia, alors et depuis, des alliances avec les principaux princes de l'Empire, les archevêques de Trèves et de Cologne, l'électeur palatin, l'électeur et duc de Saxe. « Vive notre roi et seigneur de France !» lui disaient les envoyés de ce dernier prince. En 1452, il offrit à 9 cantons suisses et reçut d'eux la promesse d'un appui armé contre toutes les attaques. Par l'entremise du duc de Bavière, il s'unit également au roi de Danemark. Il brigua même pour son fils Charles la couronne de Bohême. Une de ses filles fut fiancée à l'archiduc Sigismond d'Autriche, une autre au roi Ladislas de Hongrie. Ces deux mariages ne s'accomplirent point. Il scellait néanmoins une alliance dont Charles VII préjugeait l'efficacité contre ses voisins immédiats, demeurés ses ennemis. Relations avec l'Italie et l'Orient. En Castille, en Navarre, en Écosse, surtout en Italie, on recommença à sentir la main du roi de France. Depuis plus de 50 ans, la seconde maison d'Anjou disputait à la maison d'Aragon le royaume de Naples, et la maison d'Orléans prétendait, comme héritière de la famille déchue des Visconti, au duché de Milan, alors gouverné par l'heureux condottiere François Sforza. Charles VII ne soutint qu'avec réserve et d'une façon intermittente les droits de ses cousins. Il chercha surtout à rétablir ou à maintenir la paix entre les princes italiens en prévision d'une invasion turque et au profit de la prépondérance française. À Gênes, il sut recouvrer sur la République, en 1458, le protectorat exercé du temps de son père par Boucicaut. Il imposa au duc de Savoie son alliance, après une expédition armée en 1452. Enfin, il intervint efficacement dans les affaires de l'Église romaine. De concert avec ses alliés d'Allemagne, il fit reconnaître l'autorité du pape Nicolas V par les derniers tenants du Concile de Bâle, groupés autour de l'antipape Félix V. C'était mettre fin aux misères du grand schisme, contemporaine des malheurs de la France, et, par les mains de son fils aîné, pacifier l'Église. Les papes lui demandaient davantage. Il l'excitait à donner l'exemple aux autres souverains, à rouvrir contre les Turcs l'ère des croisades. Il pensait, comme le doge de Venise, « C'est le roi des rois, nul ne peut sans lui. » Et de fait, Charles VII s'imposait partout comme arbitre, entre Fribourg et le duc de Savoie, entre l'archiduc Sigismond et les cantons suisses. Le roi Ladislas lui faisait dire par ses ambassadeurs « Tu es la colonne de la chrétienté et Monseigneur en est l'écu. Tu es la très chrétienne maison et Monseigneur en est la muraille. » On vit presque en même temps à sa cour le patriarche d'Antioche, les ambassadeurs de l'empereur de Trébizonde, les rois de Perse et d'Arménie. Elle ne demandait rien, fort l'aide du roi de France, qu'il nommait aussi roi des rois, et avec ce disait que l'enseigne du roi de France et un capitaine en son nom vaudrait plus de 100 000 hommes. Duclerc. Charles VII était de sens trop rassis et trop pratique pour courir semblable aventure, où il se sentait éclipsé d'avance par l'empereur et le duc de Bourgogne. Que lui importait l'entrée des Turcs à Constantinople, pourvu qu'il n'y eût plus dans la mer d'Orient mât, sinon revêtu des fleurs de lys. Chastelain. Son grand auxiliaire dans la restauration de la richesse publique, Jacques Coeur, devenait alors une puissance sur la Méditerranée. Il multipliait ses comptoirs dans les échelles du Levant. Ses agents rachetaient les esclaves chrétiens, intervenait avec autorité entre le sultan et les Vénitiens. Un d'eux, Jean de Village, obtenait du Soudan d'Égypte, 1447, des sûretés pour les marchands français allant à Alexandrie et pour les pèlerins qui, sur les traces de Comon et de Bertrand de la Broquière, se rendait pacifiquement à Jérusalem. On peut dire que de cette époque date le protectorat français sur les lieux saints. Pour Louis IX, la question d'Orient avait été une question de conquête, à résoudre par une guerre d'extermination. Pour Charles VII, c'est une question d'influence, à résoudre par des voies pacifiques. Sur ses lèvres, comme sur celles des chevaliers bourguignons, le vieux cri de « Dieu le veut » va expirer, comme la truelle tombée des mains des maçons qui élevaient la cathédrale de Cologne. Liberté de commerce, liberté de culte, telle est la devise nouvelle. On ne dit plus la Terre Sainte, mais le Levant, c'est-à-dire la porte des Indes orientales, qui bientôt seront retrouvées. La Praguerie. Lointaine ou prochaine, ces diverses alliances affermissaient la royauté française en vue d'une lutte qu'elle prévoyait et préparait contre les grands vassaux. La seconde féodalité, celle des Sires des Fleurs de Lys, demeurait aussi dangereuse pour Charles VII que l'avait été la première pour Hugues Capet et Louis le Gros. Dominés par le principe qui continuait à régir la société, les Valois avaient transformé la plupart de leurs conquêtes en apanage et constitué de véritables dynasties provinciales portées, en raison même de leur origine, à exagérer leurs droits. Leurs usurpations sur l'autorité royale s'étaient consommées à la faveur de la guerre civile et de la guerre étrangère. Au lendemain de la reprise de Paris, les princes du sang recommencèrent à s'agiter. Les ducs d'Anjou, de Bourbon et d'Alençon, soutenus par les chefs de bande que la paix condamnait à l'oisiveté, nouèrent un complot qui fut découvert avant d'éclater. En 1440, ils renouvelèrent leur menée, auquel ils associèrent le dauphin Louis, âgé de 17 ans. Celui qui devait s'appeler Louis XI fut de bonne heure tourmenté par une soif jalouse du pouvoir, et, afin de la satisfaire, il contredit d'avance par sa conduite les idées sur l'autorité absolue du roi qu'il devait si sévèrement appliquer plus tard. Fils désobéissant, vassal indocile, il porta la responsabilité d'une prise d'armes, courte d'ailleurs et facilement réprimée, que les contemporains surnommèrent Praguerie par allusion aux insurrections récentes des Hussites de Bohême. Charles VII, par une marche rapide en Poitou, en Auvergne, en Bourbonnais, fit tomber les principaux remparts des révoltés. Ceux-ci s'empressèrent de faire amende honorable. Le dauphin lui-même dut implorer sa grâce et fut relégué dans son apanage du Dauphiné. Il s'y tint plus de 15 ans, se conduisant en souverain indépendant, instituant un parlement à Grenoble et une université à Valence, épousant sans l'aveu de son père, pour se faire un allié, la fille de son voisin, le duc de Savoie. Quelques années encore, il parut à la cour, où il intriguait à l'écart et ralliait autour de lui les mécontents. À partir de 1446, il y eut brouille déclarée entre Charles VII et le dauphin, qui ne se revirent plus. Maison vassale et rivale de la maison royale. La politique, qui séparait ainsi le père et le fils, rendait également rivaux ou ennemis de leur aîné, les cadets de la maison royale. Le plus rapproché du trône était Charles, duc d'Orléans, possesseur des duchés d'Orléans et de Valois, du comté de Blois, d'une partie du comté de Soissons. Ce prince, d'humeur pacifique et douce, avait vécu 24 ans prisonnier en Angleterre. Délivré par les soins du duc de Bourgogne, il ne se mêla guère aux entreprises de la noblesse et se recommande surtout à l'histoire par ses œuvres poétiques et littéraires. Son frère bâtard, Dunois, le héros des guerres anglaises, fut au contraire un serviteur capricieux et prit part à la Praguerie. La maison d'Anjou, issue de Louis, frère de Charles V, tenait une bien autre place que la maison d'Orléans en France et en Europe. Ses apanages primitifs, l'Anjou, le Maine, la Provence, touchaient aux diverses extrémités du royaume. Elle disputait à la famille indigène des Vaudémont, les duchés de Lorraine et de Bar, et ses ambitions s'étendaient à Majorque, à Naples, à la Hongrie, à Jérusalem. Le bon roi René, son principal représentant, s'est surtout fait connaître comme un souverain débonnaire et libéral, ami de la poésie et des arts. Il n'en fut pas moins, durant une grande partie de sa vie, un chevalier errant. Dans sa jeunesse, il guerroya pour se mettre en possession de la Lorraine, dont il avait épousé l'héritière. Battu et pris à Bulgnévigne, 1431, par son compétiteur, il régla avec honneur pour lui, par un mariage, la succession lorraine. Après une assez longue captivité dans les deux Bourgognes, il revendiqua le royaume de Naples et s'y maintint en effet durant 4 ans, 1438-1442. Son fils, Jean de Calabre, sa fille, la reine Marguerite, portèrent l'un en Italie, l'autre en Angleterre, le génie aventureux et la fortune promptement caduque de leur maison. Pour lui, il habita avec prédilection ces deux capitales d'Anjou et de Provence, fondant l'université d'Angers et l'ordre du Croissant, rimant des ballades, peignant des tableaux, rédigeant des statues de tournois. Entre-temps, il séjournait près de son beau-frère de France et se montra en général pour la politique royale un auxiliaire utile et dévoué. Les maisons d'Alençon et de Bourbon remontaient au XIIIe siècle. La première possédait les comtés d'Alençon et du Perche. La seconde détenait par ses diverses branches un domaine assez compact au centre du royaume, le Forez, le Beaujolais, le Dauphiné d'Auvergne, le Bourbonnais, le comté de Vendôme. La maison de Bretagne se rattachait aussi par Pierre Mauclerc, fils de Louis VI, à la dynastie capétienne. Derrière elle, toute une nation qui, comme la Flamande, se posait volontiers en rivale de la nation française, en arbitre naturel entre elle et la nation anglaise. Le duc refusait au roi l'hommage lige, qui lui eût imposé la présence personnelle aux armées et à la cour des pairs, et ne consentait à prêter que l'hommage simple. Du moins, s'appelait-il alors Artus, Arthur, de Richemont, et faisait-il toujours porter devant lui, avec les insignes de sa souveraineté, l'épée de connétable de France. Son neveu et successeur, François II, devait au contraire revendiquer passionnément, avec sa propre indépendance, celle de son pays. En Languedoc, au sud de la Garonne, subsistaient 3 grandes maisons sans aucun lien d'origine avec la maison de France. Celle de Foix, d'Armagnac, d'Albret. Au comte de Foix se rattachaient les souvenirs de la résistance albigeoise. Jean IV et Jean V d'Armagnac, fils et petit-fils du chef de la célèbre faction de ce nom, continuaient à se dire comte, par la grâce de Dieu, dans leur forteresse de Lectoure. Le sire d'Albret, établi sur les landes de Gascogne, au milieu d'une population belliqueuse, décrétait en 1456 l'indivisibilité de sa seigneurie. Loin du roi, la puissance féodale se soutenait mieux et son opposition était restée jusqu'alors vivace et impunie. Ce qui, en revanche, accroissait la faiblesse des anciens et nouveaux possesseurs de fiefs, c'était le désordre matériel et moral dont leur cause semblait inséparable. La féodalité était née de la guerre et vivait de la guerre, étrangère ou civile. Son règne excluait les idées d'ordre, de paix, d'unité, personnifiées dans le roi. Ses membres obscurs, cachés au fond des provinces, dans leurs châteaux, y perpétuaient ses mœurs violentes et dépravées, qui justifieront encore 2 siècles plus tard les grands jours de Louis XIV. Les plus puissants donnaient l'exemple du crime. Jean sans peur, assassin de son propre aveu, était ensuite tombé victime d'un assassinat. On pouvait mettre au banc de la morale publique, comme de l'autorité souveraine, Jean d'Armagnac, mari incestueux de sa sœur, ou Gilles de Rais, ce breton, dont les effroyables méfaits ont sans doute donné naissance à la légende de Barbe Bleue. La maison de Bourgogne. Au-dessus de tous ces souverains aux petits pieds, alors muets et humiliés, était le duc de Bourgogne, le grand-duc d'Occident. À son apanage primitif s'étaient successivement adjoints la Franche-Comté, les comtés de Bar-sur-Seine, d'Auxerre et de Mâcon. Au nord du royaume, il détenait les Pays-Bas, c'est-à-dire toutes les terres s'étendant sur le territoire actuel de la Belgique et de la Hollande, entre la Frise et l'Artois, plus les villes de la Somme, Saint-Quentin, Amiens, Abbeville, Péronne, Roy, Montdidier. Cette puissance démesurée avait cru, principalement au détriment de la France, le duc bénéficiant tour à tour de son alliance criminelle avec les Anglais et de sa réconciliation intéressée avec le chef de sa maison. Dans ses états bigarrés, séparés en deux groupes par la Lorraine et la Champagne, son autorité était variable et contestée. À Dijon, il avait dû jurer, sous le porche de l'abbaye de Sainte-Bénigne, de défendre les libertés populaires. On a souvent cité la fière parole des députés bourguignons, rapportée par un chroniqueur du temps. « Quant à ce que vous nous avez proposé de la part du duc, il ne se fit jamais, il ne se peut faire et ne se fera pas. » Les gens de la comté lui votaient des subsides dans les états périodiquement convoqués, qui tinrent, sous le seul règne de Philippe le Bon, 60 sessions à Dôle ou à Salins. Aux Pays-Bas, les grandes villes étaient toujours agitées et à l'occasion insurgées en faveur de leur franchise. Bruges, révoltée de 1436 à 1438, fut péniblement soumise et rudement traitée. Puis, messieurs de Gand prirent à leur tour les armes et, battus en rase campagne à Graves, 1453, durent implorer merci. Ils perdirent leur bannière, l'organisation indépendante de leurs 52 corps de métier. Leur république devint une simple commune. Au milieu de sa cour, modelée sur celle de son bisaïeul Jean le Bon, le duc Philippe professait le reflet persistant des traditions féodales, associées à des goûts, à des habitudes de culture intellectuelle qui font pressentir la Renaissance. Il appelait à des pas d'armes toute la chevalerie européenne. Il fondait en 1431 l'Ordre de la Toison d'Or, à la fois distinction honorifique et confrérie vouée à l'application des principes chevaleresques. Ses contemporains le croyaient destiné à prendre sur les Turcs la revanche des anciennes victoires sarrasines. En 1454, à Lille, au cours d'une pompeuse mascarade, le fils du vaincu de Nicopolis s'engagea solennellement au voyage de Turquie. Mais il avait eu soin d'entourer son serment de restrictions propres à le rendre vain. Ses chevaliers l'imitèrent et joignirent à leurs promesses les vœux les plus extravagants, sauf à dévorer sur place, en fait, l'argent destiné à la croisade. Ces héros de tournoi, qui ne lisaient plus guère les vieilles chansons de gestes, revivent pour nous dans une série d'œuvres historiques et artistiques, d'une forme encore naïve et d'un caractère déjà raffiné. Toute une armée de translateurs, écrivains copistes, enlumineurs et miniaturistes, peintres verriers, maîtres s-œuvres, tapissiers de haute lice, illustraient, pour la plus grande gloire de la maison ducale, l'épopée du Moyen-Âge finissant. Dans les récits des élèves de Froissart, Georges Chastelain, Monstrelet, Olivier de la Marche, la transition se faisait entre la chronique proprement dite et les mémoires. De même, Hans Memling, les Van Eyck, les Rogier van der Weyden forment un groupe intermédiaire entre les imagiers du Moyen-Âge et les artistes grands seigneurs du Cinquecento italien. L'université de Louvain était fondée en 1420 pour les Pays-Bas, celle de Dôle en 1423 pour les deux Bourgognes. Exempte sa vie durant de tout hommage envers Charles VII, ayant traité d'égal à égal avec lui, ainsi qu'avec Henri de Lancastre, Philippe le Bon visait à une complète indépendance. Son père et son aïeul reposaient comme de véritables souverains à la Chartreuse de Dijon, Saint-Denis, de leur dynastie, sous les splendides mausolées sculptés par Claus Schulter et Philippe de la Huerta. Philippe eût voulu porter de son vivant la couronne royale. Aussi, pour l'obtenir, flattait-il l'empereur, dont il espérait en outre devenir le vicaire sur la rive gauche du Rhin. Il eut ainsi constitué un état de Gaule-Belgique. Il eût refait soit le royaume d'Arles, soit la Lotharingie. L'âge, le désir de ne pas compromettre les avantages acquis, le détournèrent cependant d'entreprises qui eussent réveillé la guerre ouverte, immédiate, avec son principal suzerain. Il était de plus, comme Charles VII, en lutte avec son héritier, le comte de Charolais, jaloux de la faveur exclusive dont jouissait la grande famille des Croyes. Aussi affectait-il en général une grande déférence extérieure pour le roi, lui offrant ses états à administrer s'il partait pour la croisade, ou défendait à son fils, avec de terribles menaces, de chercher femme chez les Anglais, les pires ennemis du royaume. Dernières années de Charles VII. Charles VII, peu touché de ces démonstrations, poursuivait à travers ses nombreuses campagnes diplomatiques ou militaires un but unique, l'abaissement de la puissance bourguignonne. Deux fois, il essaya de recouvrer sans indemnité les villes de la Somme et subit deux refus sans mauvaise humeur apparente. Il évita de soutenir trop ouvertement la révolte de Gand. En revanche, il provoquait et multipliait les causes de conflits propres à contrarier ou à gêner, sans le pousser à bout, son hautain vassal. Il soutenait les prétentions du roi Ladislas de Hongrie à la succession de Luxembourg, convoitée par Philippe le Bon. À la mort de Ladislas, il occupait militairement une partie de ce pays et l'acquérait, argent comptant, 1459, d'un des compétiteurs, le duc de Saxe. Il prenait sous sa sauvegarde l'île Liégeois en lutte contre leur évêque, client du duc de Bourgogne. Il laissait enfin son parlement et son conseil tenir en suspens les affaires du duc ou de ses sujets portés devant eux et revendiquer à tout propos la juridiction royale, tant fiscale que judiciaire, sur le duché de Bourgogne et les Flandres. Lorsqu'il fit son procès au duc d'Alençon, il somma Philippe de venir, comme pair, siéger parmi les juges. « J'irai, lui fut-il répondu, avec 40 000 hommes. » Le roi répliqua en convoquant le banc et l'arrière-ban. On crut cette fois la guerre inévitable. Elle n'éclata pas, chacun des deux adversaires ne se souciant de l'entreprendre qu'à coup sûr. Charles VII travaillait à être maître partout chez lui avant d'effacer les humiliations du traité d'Arras. Dans le Midi, la succession du comté de Comminges était disputée entre les maisons de Foix et d'Armagnac. Il évinça l'un et l'autre compétiteur en se la faisant attribuer par la dernière héritière. Dès 1444, il avait dépouillé et réduit à l'obéissance le turbulent Jean IV d'Armagnac, sauf à lui rendre ensuite la plus grande partie de ses domaines. 15 ans plus tard, il repartit en guerre contre Jean V, incestueux et faussaire, et le fit condamner par le Parlement de Paris au bannissement et à la confiscation de ses biens. Ses parents ne furent pas mieux traités à l'occasion. Un routier de son sang, le bâtard de Bourbon, fut cousu dans un sac et jeté à l'eau après un jugement sommaire. 1441. Et le duc d'Alençon ne paya guère moins cher ses intelligences avec les Anglais. Le roi le traduisit devant le Parlement, garni de pairs, ce qui obligeait la haute noblesse à frapper un des siens. Le duc de Bourgogne eut beau intercéder pour le coupable et le maintenir en guise de protestation sur les listes de la Toison d'Or. Charles VII obtint un arrêt qui déclarait le duc d'Alençon criminel de lèse-majesté et le condamnait à mort. Il se borna à lui infliger un emprisonnement perpétuel. En cette même année 1456, il se décida à mettre un terme par un acte d'autorité paternelle et royale à la rébellion passive du dauphin. Il apparut sur le Rhône à la tête d'une armée. Louis, qui, pour se défendre, avait été jusqu'à solliciter une descente des Anglais, se réfugia, éperdu, en Franche-Comté, sur les terres de Bourgogne, et ensuite aux Pays-Bas. Là, Philippe le Bon lui donna l'hospitalité au château de Genappe, en Brabant, le pensionna richement, le choisit comme parrain de sa petite-fille Marie, mais se garda bien de lui fournir les moyens d'une révolte ouverte et armée. « Mon cousin de Bourgogne ne sait ce qu'il fait, » dit Charles VII. « Il nourrit le renard qui mangera ses poules. » Le dauphin, dont l'apanage avait été réuni au domaine royal, protesta par lettre de sa soumission. Il n'en continua pas moins à semer de loin la division parmi les conseillers de son père. Le changement de règne approchait. Charles VII avait subi, jusqu'en 1450, l'empire d'Agnès Sorel, la dame de beauté, la première des maîtresses royales qui ait gardé non seulement un nom, mais une certaine popularité dans notre histoire. On a voulu faire croire, sans motif sérieux, à son influence heureuse sur le caractère et les résolutions du roi. Elle ne fut point aussi néfaste que celle d'Antoinette de Magnelet, qui rendit Charles VII, dans sa vieillesse précoce, le triste modèle de Louis XV. Affaibli par ses désordres, errant de château en château et se rendant inaccessible à son peuple, Le roi était en outre cruellement tourmenté par l'attitude à la fois sournoise et irréconciliable du dauphin. Des ambassades passèrent de France en Flandre, de Flandre en France. Elles ne purent rétablir la paix entre le père et le fils. Le roi songea un moment à transférer la couronne à son dernier-né Charles. Il se crut trahi par ses serviteurs et craignit d'être empoisonné. Certains crurent qu'il s'était laissé mourir de faim lorsqu'il succomba aux suites d'un abcès à la gorge. 22 juillet 1461. Louis XI, que cette mort faisait roi, ne cacha pas sa joie. Comme il redoutait quelques tentatives de la part de son jeune frère, il dépêcha à ses bonnes villes l'ordre de se bien garder. Puis il rentra en toute hâte dans ses états, se dirigeant vers Reims. Le duc Philippe le suivait, comme pour rappeler aux Français qu'il était moins le vassal que le protecteur de leur nouveau maître. Il l'éclipsa en effet par son faste, lui conféra l'ordre de chevalerie et, à l'entrée solennelle dans Paris ainsi qu'au sacre, parut le vrai roi. En apparence, l'avènement du dauphin Louis constituait pour lui une victoire, obtenue sans peine sur le roi défunt. Son protégé était l'ancien chef de la Praguerie. On le croyait prêt à ruiner toute l'œuvre du dernier règne, et ses premiers actes remplissaient d'espoir le parti féodal. Il donnait le Berry en apanage à son jeune frère, la Normandie en gouvernement au comte de Charolais, un commandement sur la Loire au duc de Bretagne. Il pardonnait avec éclat, comme pour les réhabiliter, au duc d'Alençon et au comte d'Armagnac. Jamais homme, on va le voir, n'a plus cruellement trompé ceux qui avaient espéré en lui. Fin de la section 14.